jamais voyou, je vous regarde pas, est-ce que vous voyez du brouillard fumé, je vois flou. Ça fait longtemps que j'ai pas vous voyé. Des fois j'aimerais que vous sachiez que je suis pas fier, une bouteille, je bois tout. Grave méfiance si vous saviez, au studio pour faire goûter mes atouts. J'ai l'écriture assez mère, mon ami, comme toi j'ai du gear. En ce moment j'ai moins d'habits. On m'a dit des brouillards, jamais voyou. Une paire d'Azix et je le resterai à vie. C'est la folie, le quartier, trop de paires d'amis. J'ai peut-être mis trop d'amener, maybe on part demain. Peut-être qu'on parle de moi, non j'ai pas changé de mine, un doigt sur les deux mains. Mais je m'allume à l'autique. Dans le mal on a des gueules. Une fois n'est du cas, chercher de quoi s'abriter. Donc reste dans la ville, le cœur abîmé. Mais je m'allume à l'autique. Une fois n'est du cas, et trouver où je peux m'abriter. Je suis dans la ville, le cœur abîmé. Mais je m'allume à l'autique. Dès le matin on buvait. Je suis dans la ville, le cœur abîmé. Mais je m'allume à l'autique. Maman, j'ai traîné, balade comme un traîneau. Pas le moment de frémir, on prend au très haut. Adidas traîneur, barotte comme un trimar. On me dit t'es trop là, sur vêtements training. Même pas besoin de freiner, location frimeur. On démarre l'engin, y'a pas besoin de m'entraîner. On rentre après l'heure, comme d'avant voilà. Taille bouillée, on pisse après là. Mais t'inquiète, on a fort, de question que je déçoive les frères. Chut, y'a de la beuh au même effet que le somnifère. On se posera dans la nature, putain, des fois le soir il gèle. Va pas envier ton pote, même si tu sais que des sommes il fait. Pris de vitesse dans la tourmente, on peut qu'assumer frère. Baisser les vitres, là tous les jours vont nous assommer fort. Des potes bloqués, on peut pas toujours assurer Ray. Et si je t'ai pas donné, je me trompe, pourtant j'assume mes torts. Chercher de quoi s'abriter. Donc reste dans la ville, le cœur abîmé, je m'allume à l'autique. Il me fallait du cash et trouver où je peux m'abriter. Et je suis dans la ville, le cœur abîmé, je m'allume à l'autique. Dans le mal on a des gueules, il me fallait du cash, chercher de quoi s'abriter. Donc reste dans la ville, le cœur abîmé, je m'allume à l'autique. Il me fallait du cash et trouver où je peux m'abriter. Je suis dans la ville, le cœur abîmé, je m'allume à l'autique. Dès le matin on buvait. Je suis dans la ville, le cœur abîmé, je m'allume à l'autique. Dès le matin on buvait.